بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله mes très chers frères et sœurs. Aujourd'hui, le samedi 21 Shawwal, correspondant au 13 juin 2020, nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre étude du livre de l'imam Ibn Kathir rahimahullah, qui s'intitule Al-Fusul fi Sirati Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Ibn Kathir rahimahullah, qui est décédé en l'an 774 de l'Hégire rahimahullah. Dans la dernière partie, dans le dernier cours, nous avons parlé de A'lam al-Nubuwa et d'Ala'il al-Nubuwa et Ayat al-Nubuwa. On avait entamé ce chapitre dans lequel l'imam Ibn Kathir rahimahullah, donc le chapitre de la deuxième partie du livre, dans lequel l'imam Ibn Kathir rahimahullah nous a rapporté plusieurs signes de la véracité du prophète alayhi salatu wassalam et plusieurs preuves de la véracité de sa prophétie sallallahu alayhi wasallam. Et nous avons vu que c'était pas connu chez Salaf de les appeler al-mu'jizat, les miracles. Mais de temps en temps, je vais employer ce terme afin que ce qui est visé soit clair. Car les gens, comme ils sont habitués à ce terme, le mu'jiza, quand ils entendent parler de l'aya et de l'alam et de dalil, ça donne pas forcément le sens voulu. Alors que chez les salafs, ils utilisaient uniquement ces termes-là, comme je l'ai précisé précédemment. Dans ce chapitre, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a cité une catégorie de signes de la véracité de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui représente des arguments sur sa véracité et des preuves qu'Allah azza wa jalla lui donne afin de montrer aux gens la véracité de sa prophétie. Et ça, il en a donné à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il en a donné à tous les prophètes. Mais il y a une deuxième catégorie qu'il a citée, rahimahullah, qui a été accordée à notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en fonction du besoin. Comme le fait de mettre la baraka, la bénédiction, dans la nourriture, dans la boisson, dans l'eau, dans des circonstances où ils étaient dans un grand besoin. Et il a cité une autre catégorie qui réunit les deux caractéristiques. C'est-à-dire, c'est à la fois des preuves de la véracité du prophète alayhi salatu wassalam et également parce qu'il y avait des circonstances dans lesquelles il y avait un besoin. Et l'imam Ibn Kathir, malgré que ce chapitre, il est assez concis comparé aux ouvrages qui ont été écrits à ce sujet, il a essayé, rahimahullah, de varier les signes et les preuves de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a essayé de citer de chaque catégorie une partie. Et c'est là où on voit le grand niveau de science de cet imam dans le choix des signes. Il a commencé, comme on a vu dans le cours précédent, par le Coran. Le Coran, qui est le plus grand signe et la plus grande preuve de la véracité du prophète alayhi salatu wassalam et de la véracité de sa prophétie sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran, la parole d'Allah avec laquelle il a parlé réellement, comme c'est l'aqida de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Donc je disais, il a cité le Coran comme signe de la véracité de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme le prophète alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit qu'il n'y a pas un prophète à qui Allah n'a pas donné des signes et des preuves pour affirmer la véracité de sa prophétie. Et que lui, ce qui lui a été donné, c'est le Coran. Ce qui lui a été donné, bien évidemment, c'est plusieurs signes et plusieurs preuves. Mais Nabi a mentionné dans ce hadith la preuve la plus évidente et la plus explicite et la plus forte, et également qui a une autre caractéristique qui est spécifique à lui, sallallahu alayhi wa sallam, seul. C'est que cette preuve, elle est continue dans le temps et elle va perdurer jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, bien évidemment, c'est peu avant la fin des temps quand Allah Azza wa Jalla lèvera le Coran des poitrines des hommes et des livres, et il ne restera sur terre que Luqa', fils de Luqa', que les pires, qui sont les descendants des pires des hommes, les plus mauvais, sur lesquels arrivera la fin des temps. Et avant cela, Allah Azza wa Jalla enverra une rih tayyiba, un vent doux qui prendra les âmes des croyants. Et il ne restera sur terre que les pires des gens. Il ne restera personne de ceux qui disent « La ilaha illallah ». Yani, il ne restera plus de muwahhid. Et ça, c'est un... Ça fait partie des mérites de Tawhid que les savants mentionnent. C'est que Tawhid, parmi ses mérites, c'est quand il n'y a plus de muwahhid sur terre, ça sera la fin des temps. Et Allah Azza wa Jalla ne laissera pas continuer la vie sur cette terre. Et ça sera la fin des temps. Quand il n'y aura plus de muwahhid sur terre. Après avoir parlé du Coran, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a parlé de la biographie et la biographie de notre prophète alayhi salam avant qu'il soit dépêché comme prophète et messager, et comment il était connu parmi les siens. Et ça se résume en ce surnom qu'il lui donnait, As-Sadiq al-Amin, le véridique, le digne de confiance, le loyal, le fiable, le digne de confiance, sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça qu'il l'appelait. Donc, un homme qui était connu comme ça, parmi eux, avant qu'ils ne disent qu'il est prophète. Et il est resté avec eux jusqu'à l'âge de 40 ans, jusqu'à avoir la quarantaine, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils n'ont jamais vu de lui un seul mensonge sur une créature. Et il ne connaissait de lui que le bien. Et c'était connu, alayhi salatu wassalam, qui faisait partie des muwahhidines de Mecca. Il était connu pour faire partie de ces muwahhidines de Mecca avant l'islam. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a jamais été sur shirk. Et Allah l'a préservé depuis sa naissance, même avant sa naissance, en lui choisissant la lignée la plus noble de tous les fils de Adam. Et Allah Azza wa Jalla a veillé sur lui depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il devienne prophète. Il l'a préservé, et ça je pense qu'on l'a vu, mais je le rappelle ici. Donc Allah Azza wa Jalla l'a préservé et a veillé sur lui jusqu'à ce qu'il est devenu prophète. Il l'a préservé de tout le mal qui était pratiqué dans la période anti-islamique par les Quraysh et autres Arabes. Il l'a préservé même de la musique, de l'écoute de la musique. Il l'a préservé de montrer ses parties intimes quand, à quelques reprises, sa aura a failli se découvrir, yani accidentellement. Et Allah Azza wa Jalla l'a préservé dans ces choses-là. Il l'a préservé avant ça, bien évidemment. Il l'a préservé de l'idolâtrie et de l'adoration des statues, des idoles. Il l'a préservé de l'alcool, de zina. Il l'a préservé de tout mal, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça qu'il se retirait dans la montagne dans laquelle il y a la grotte de Hira, pour adorer Allah Azzawajal et se consacrer à son adoration, cette retraite spirituelle qu'il observait alayhi salatu wassalam, en s'éloignant des gens pour se vouer et s'adonner à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Mais depuis qu'il est devenu prophète, avec l'arrivée de l'islam, il a délaissé cette pratique. Et certains égarés, ils prennent argument sur cette pratique avant l'islam chez le prophète alayhi salatu wassalam pour la légiférer après l'islam. Jamais il n'a fait ça dans l'islam et jamais ses compagnons n'ont fait ça dans l'islam comme ils le font les soufis. Donc il connaissait sa biographie, il connaissait son comportement, il connaissait également qu'il était analphabète, alayhi salatu wassalam. Et ça, c'était quelque chose de très courant dans cette société. C'était très très courant, la majorité ne savait ni lire ni écrire. Et il y avait quelques individus qui savaient lire et écrire, tels que Waraq ibn Nawfal, rahimahullah wa radiyallahu anhu, et d'autres personnes, mais ça se comptait sur les bouts des doigts. Ceux qui étaient, entre parenthèses, les intellectuels de l'époque, qui voyageaient beaucoup, qui allaient vers les pays, qui ont appris à lire et à écrire. Donc ils savaient qu'ils ne savaient ni lire ni écrire, et voilà, à l'âge de 40 ans, il leur dit qu'il a reçu un message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il a reçu un message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a été choisi comme prophète et messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il les a informés des récits des gens d'avant lui, et des peuples d'avant. Et ce qu'il disait, alayhi salatu wassalam, était exact et juste, malgré que ces choses-là se trouvaient dans les autres livres révélés, mais ces livres étaient déjà falsifiés et modifiés. Et lui, ce qu'il disait, c'était exact. Donc, d'où il a ramené tout ça, alayhi salatu wassalam, malgré qu'il n'a pas eu de contact avec les gens du livre, en plus. Donc, eux qui savaient son comportement, et à la tête de son comportement, la véracité, et l'amana, sa loyauté, sa confiance, alayhi salatu wassalam, et ils savaient son délaissement des biens de ce bas monde, son ascétisme et son détachement de la dunya. Ils savaient tout ça de lui, sa patience, tout son bon comportement, comme il a dit l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, il connaissait de lui toutes ces choses-là, et il leur dit qu'il est prophète et messager. Lui qui n'a jamais menti sur un homme, sur une créature, il vient à l'âge de 40 ans, où l'homme atteint le summum de sa maturité, et il leur dit qu'il ment d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en leur parlant du châtiment d'Allah et de tout ce qu'il a préparé pour les menteurs et pour les mécréants. Il ment d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien évidemment, ça c'est quelque chose qu'aucune raison n'admet et n'accepte. C'est pour ça, il y a dans cela, cette partie que l'imam Ibn Kathir a citée, il y a un argument rationnel sur la véracité de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, ses compagnons qui étaient choisis par Allah subhanahu wa ta'ala parmi les hommes les plus intelligents, même c'est les meilleurs des hommes après les prophètes et messagers. Les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont les meilleurs des hommes après les prophètes et les messagers. Et avec la raison qu'Allah azza wa jalla, la forte raison dont Allah subhanahu wa ta'ala les avait comblés, et yani, tout ce qu'ils connaissaient du prophète alayhi sallam, c'est pour ça, ceux qui ont réussi et à qui Allah azza wa jalla a permis de ne pas suivre la passion et de délaisser l'orgueil et d'accepter la vérité, ils ont suivi le prophète alayhi sallam aussitôt, sans débat, sans discussion. Et même, ils ont délaissé leurs biens et leurs familles. Et certains ont combattu les leurs, radiallahu anhum wa ardahum. Et ils ont tout sacrifié pour le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Et ceux qui ne l'ont pas suivi, même les plus grands des ennemis du prophète alayhi salatu wassalam, ils savaient qu'il était sur la vérité. À commencer par son oncle Abu Talib, ils savaient qu'il était sur la vérité. À commencer par ses ennemis, Abu Jahl et Abu Sufyan à l'époque, avant d'entrer dans l'islam. Tous ils savaient qu'il était sur la vérité, mais l'amour du statut et l'orgueil les a empêchés de suivre la vérité. Malgré qu'au fond d'eux, ils reconnaissaient sa véracité. Ils savaient qu'il était prophète d'Allah Azza wa Jalla. Et Shaitan les a empêchés de le suivre dans un premier temps, après ceux qui étaient voués à la perdition. La plupart d'entre eux ont été tués dans les premières batailles. Mais ceux qui ont vécu après, la plupart sont entrés dans l'islam. La plupart d'entre eux sont entrés dans l'islam. Et au moment où je vous le dis, je n'ai pas un seul nom en tête de quelqu'un qui n'est pas entré dans l'islam parmi ses grands ennemis qui sont restés en vie. Cela veut dire que la plupart d'entre eux, au moins la plupart d'entre eux, sont entrés dans l'islam. Abu Sufyan, Sakhr ibn Harb, radiyallahu anhu, et tous ceux qui sont entrés suite à la conquête de Mecca ou juste avant la conquête de Mecca. Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, et Ikrima ibn Abi Jahl, le fils de Abu Jahl, même est entré dans l'islam. Et c'est un parmi les plus grands compagnons, radiyallahu anhu. Il est entré dans l'islam, comme on a vu, après la conquête de Mecca. Et au début, il avait fui, parce qu'il avait peur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il le tue. Mais après, le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, lui a donné l'assurance, et il est venu, il a annoncé son islam, et il a combattu aux côtés des muslimines. Il a participé dans beaucoup de conquêtes, radiyallahu anhu wa arda. Donc ça, c'est un argument rationnel sur la véracité de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'imam Ibn Kathir a cité une autre catégorie de signes et de preuves. Ce sont tous les récits dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé des événements à venir, des événements futurs, des choses du monde de l'invisible, et qui se sont passées exactement comme il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est, comme il dit, c'est un domaine extrêmement vaste. Tout ce qu'il a dit, alayhi wa sallam, et qui s'est passé exactement comme il a dit. Et parmi ces signes également, et ces preuves de la véracité de sa prophétie, sallallahu alayhi wa sallam, c'est toutes les choses miraculeuses qu'Allah Azza wa Jalla a permis à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a cité le signe de Inshiqaq al-Qamar. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a cité le signe de Inshiqaq al-Qamar, qui est cité dans Sourate al-Qamar. Iqtarabat al-sa'atu wa inshaqqa al-Qamar. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. Donc dans le signe approximatif, Allah il dit, l'heure approche et la lune s'est fendue. Et s'ils voient un signe, ils s'en détournent en disant, c'est une magie appelée à disparaître. C'est une magie appelée à disparaître. Ils ont démenti en suivant leur penchant, mais tout ira à son aboutissement. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ. Donc Allah Azza wa Jal a parlé de la lune quand elle a été fendue à l'époque du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, quand Kuffar Quraysh ont demandé au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam de leur montrer un signe qui prouve la véracité de sa prophétie. Un signe venant de la part d'Allah qui prouve qu'il est réellement le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam. Et Allah Azzawajal, effectivement, dans une nuit, il leur a permis de voir la lune divisée en deux. Et les deux moitiés étaient bien séparées et distinctes l'une de l'autre. Et ils ont bien vu ça. Mais pour s'assurer que c'était pas une sorcellerie, parce qu'ils savaient que la sorcellerie, ça agit sur les yeux. Donc ceux qui sont présents avec lui, ils vont être ensorcelés, ils vont voir des choses qui ne sont pas réelles. Car la sorcellerie, parmi ces catégories, c'est ce qui agit au niveau des yeux. Comme la sorcellerie qui a été pratiquée par les sorciers de Pharaon, devant Moussa alayhi salam. C'est pour ça les sorciers de Pharaon, quand ils ont vu la transformation du bâton de Moussa alayhi salam en un serpent réellement, et c'était pas une illusion au niveau des yeux, ils ont su que celui-là, c'est pas un messager, mais c'est un prophète. Et ils ont cru en un laps de temps extrêmement court et petit. Et Allah leur a donné une foi comme les montagnes. Subhanallah. La foi, c'est un rizq. Faut pas s'imaginer que le rizq, c'est ce que tu manges et ce que tu bois. Rizq, c'est ta santé, c'est la science, c'est la foi, tout ça c'est rizq. C'est un rizq provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé une foi comme les montagnes. Et après avoir vu ces signes explicites et clairs et évidents pour eux, parce qu'ils connaissaient bien le domaine de la sorcellerie, c'était les plus grands sorciers de l'époque où la sorcellerie avait atteint son summum, à l'époque de Pharaon. Et les savants précisent que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il envoie un prophète et un messager, il lui donne des signes qui correspondent aux choses dans lesquelles son peuple excelle, de la même nature. C'est pour ça, ce qui a été donné à notre prophète, alayhi salam, c'est le Coran, la parole d'Allah, avec toute son éloquence et sa rhétorique et la beauté de sa parole, car Quraysh et les Arabes, de manière générale, ils excellaient dans la poésie. Et quand ils ont entendu le Coran, ils ont su que c'est pas la parole d'un poète. C'est pas de la poésie, c'est pas des poèmes, c'est pas des mensonges, c'est la véracité, c'est la vérité provenant d'Allah. Ils ont réalisé ça comme ils avaient un niveau très élevé dans la langue arabe. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a lancé des défis pour ramener une sourate comme le Coran. Une sourate, c'est trois versets. La plus courte des sourates du Coran, c'est trois versets seulement. Et ils n'ont pas pu. Et ceux qui ont essayé, ils ont ramené des choses desquelles rigolent les enfants, qui peuvent être utilisées comme des choses pour faire rire les enfants, comme ce qu'avait fait Mousaïlim al-Kadhab. Donc ils ont, pour s'assurer que ce n'était pas une sorcellerie, ils ont demandé aux tribus voisines s'ils avaient vu le même phénomène que eux. Et ils leur ont confirmé qu'ils ont bien vu la lune fondue en deux. Mais malgré ça, ils ont suivi leur passion et leur penchant, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, et ils ont démenti le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit c'est une sorcellerie. Alors qu'ils savaient bien que c'était pas une sorcellerie. Et ensuite là, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, il va passer à une autre partie, à une autre catégorie de ces preuves de la véracité de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça concerne toutes ces invocations et la bénédiction et la baraka qu'Allah a permis avec ces invocations. Et bien évidemment, ça c'est également un domaine extrêmement vaste dans lequel beaucoup de livres ont été compilés, les livres dans lesquels les savants et les imams d'avant ont parlé des preuves de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, telles que Dala'il al-Nubuwa, de l'Bayhaqi et de l'Firyabi également et de Abu Nu'aym al-Asbahani. Il a également un livre qui s'appelle Dala'il Nubuwa. Les trois s'appellent Dala'il al-Nubuwa. Dans tous ces livres et d'autres, bien d'autres, les savants ont compilé ce genre de preuves sur la véracité de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, l'imam Ibn Kathir, il va nous citer quelques exemples. Il va nous citer, rahimahullah, quelques exemples tirés et choisis de ces livres. Et à la fin, il a promis, bi'idnillah, si Allah azza wa jalla lui permet, de faire un livre spécifique sur ce sujet qui est Dala'il al-Nubuwa, les preuves et les arguments et les signes de la véracité de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais les savants ont précisé que il n'y a pas un livre, peut-être que Allah azza wa jalla ne lui a pas permis de faire un livre à part, mais dans son livre Al-Bidaya wa Nihaya, il a parlé d'une manière extrêmement détaillée de ce sujet. Il l'a détaillé, yani, beaucoup dans Al-Bidaya wa Nihaya. Il a cité énormément de ces Dala'il Nubuwa. Parmi ce qu'il a cité, et la plupart vous allez constater, c'est des choses qu'on a déjà vues dans la Sira. Mais ici, ils sont compilés, yani, en un seul endroit. Parmi ces signes, quand Nabi Issa salam était avec Abu Bakr radiallahu anhu, quand ils sont sortis pour le Hijra, ils ont croisé Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Et Abdullah ibn Mas'ud, il faisait berger pour, yani, des dignitaires de Quraysh. Et ils lui ont demandé de leur ramener une sakhla. Une sakhla, c'est une chevrette. C'est le petit de l'agneau. C'est les deux. Ça se dit de l'agneau et de la chevrette. Le petit du mouton ou de la chèvre qui vient de naître. Donc, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, dans son troupeau, il avait un petit comme ça. Et il lui a dit de lui ramener. Et il a invoqué Allah, alayhi salatu wassalam. Il a passé sa main sur lui et il a commencé à le traire et il a sorti du lait. Il a bu, il a donné à boire avec Abu Bakr radiallahu anhu. Et la même chose a été faite avec Ummu Ma'bad al-Khuza'iyya. Si vous vous rappelez, dans le Hijra, quand Nabi Issa salam s'est arrêté dans la tente d'une femme qui s'appelle Ummu Ma'bad al-Khuza'iyya, qui était extrêmement pauvre. Il lui a demandé de leur permettre de prendre une de ses brebis afin de la traire et de prendre du lait, boire, pour leur voyage. Et elle a dit qu'elle n'avait pas une brebis de laquelle on pouvait prendre du lait. Et il y avait une brebis qui était restée, qui n'est pas partie avec le troupeau, qu'a mené son mari dans les pâturages, qui était très très faible, tellement faible qu'elle ne pouvait pas accompagner le troupeau. Et Nabi Issa salam avait fait la même chose. Il a fait du'a, il a passé sa main et elle a donné beaucoup de lait. Au point, ils ont tous bu, il lui a laissé un récipient rempli. Également son invocation pour Tufayl ibn Amr. Et ça également, on l'a vu. Quand Tufayl ibn Amr a cru, Tufayl ibn Amr d'Awsi, il est de la tribu de Abu Huraira. Il est un des premiers à avoir cru au prophète Aïssa Salam de la tribu de Abu Huraira. Et Abu Huraira, il a cru au prophète Aïssa Salam, il est entré dans l'islam juste avant Khaybar, yani dans l'année 7 de l'Hégire. Nabi Aïssa Salam est décédé début année 11, yani 3 ans à peu près dans l'islam, Abu Huraira radiallahu anhu. Par contre, Tufayl ibn Amr, c'est un des premiers qui est entré dans l'islam, de la tribu de Daous. Et c'est lui qu'on a vu l'histoire. C'était un homme très sage et qui connaissait beaucoup de sagesse de Luqman, mais ils avaient oublié les sagesses qui concernent le tawhid, juste les sagesses qui concernent le bon comportement et les bonnes moralités. Et Kuffar Quraysh, ils lui ont dit de ne pas écouter et de ne pas tendre l'oreille au prophète, car c'est un sorcier, il va t'ensorceler. Et effectivement, il les a écoutés, il a mis du coton dans les oreilles, il faisait tawaf. Jusqu'à un moment, Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis d'écouter la récitation du prophète, alayhi sallam, de le Coran. Et il s'est approché, il s'est dit, je suis un homme, je suis le plus intelligent de ma tribu, je suis un homme intelligent, sage. Qu'est-ce qui m'empêche d'écouter cet homme et de voir ce qu'il a? Et effectivement, il a écouté le prophète, alayhi sallam, et au début, c'est lui qui a commencé le discours, il a cité quelques sagesses de Luqman. Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ça c'est des bonnes choses, mais écoute, moi, je vais te réciter le Coran. Il lui a récité le Coran, il a cru en Allah tout de suite. Pour voir comment c'était le Coran pour ces Arabes. Parce qu'ils avaient l'arabe pur. Et ils réalisaient, pour eux, c'était suffisant d'écouter le Coran. C'est pour ça qu'Kuffar Quraysh, ils ont interdit aux compagnons, aux musulmans, de lire le Coran devant leurs femmes et leurs enfants. Parce que ceux-là, ils n'ont pas le hawa et les passions et l'orgueil qui vont les empêcher de suivre la vérité. Donc aussitôt, il a cru en Allah, il a suivi le prophète, alayhi sallam, et il a demandé au prophète, alayhi sallam, de lui autoriser de retourner dans sa tribu afin de les appeler à l'islam. Il a trouvé beaucoup de mal à les appeler à l'islam. Jusqu'à l'année 7, où il est venu, juste avant l'année 7, il était venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il s'est plaint des difficultés qu'il trouvait dans la da'wa de sa tribu. Et il a dit, ô messager d'Allah, invoque Allah contre les Daous. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allahumma hdi Daousan, wa ati bihim muslimin. Allahumma hdi Daousan, wa ati bihim muslimin. Regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit, oh Allah, écrase-les. Oh Allah, tue-les. Cette rahma qui nous a été envoyée. Ce messager de la miséricorde et de la rahma. Sallallahu alayhi wa sallam. Et effectivement, Allah Azza wa Jalla a exaucé son invocation. Et l'année 7, ils sont venus muslimines. Et il y avait parmi eux, Abu Huraira. Radiallahu anhu. Abu Huraira Abd al-Rahman ibn Sakhr al-Dawsi radiyallahu anhu. Il y a une grande divergence au sujet de son nom, de son prénom, mais le plus juste, wallahu a'lam, de ce que les savants citent, entre autres Nawawi rahimahullah, c'est Abd al-Rahman. Donc Tufayl ibn Amr, quand il est entré dans l'islam, il a demandé au prophète de lui donner un signe pour montrer sa véracité à son peuple, à lui. Il a invoqué Allah, il lui a donné une lumière entre les deux yeux. Et Tufayl, radiyallahu anhu, yani, a trouvé ça comme si c'est pas, yani, ça allait pas faire l'effet qu'il souhaitait. Il a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'invoquer Allah de يعني أن يحول هذا النور de transférer cette lumière à un autre endroit dans son bâton. Effectivement, Allah Azza wa Jalla l'a transféré dans son bâton. Et malgré ça, il a trouvé beaucoup de difficultés. C'est pour ça, da'iya, mes frères et sœurs, celui qui est dans la da'wa, c'est pas forcément t'as une chaîne ou là t'as un site ou là t'as une mosquée. Da'wa, c'est ta famille, déjà. Et le vrai da'iya, c'est celui qui fait da'wa à sa famille. Pas toute la planète et néglige ses proches. Qu'Allah nous pardonne. Da'iya, celui dont la da'wa réussit, c'est celui qui commence par sa personne et par les proches, sa famille. Et il ne cesse d'élargir le cercle. Donc, quand on parle de da'wa, c'est les gens de ton quartier, c'est yani, naam, ce que font tablir des gens ignorants qui sortent de leur pays, de leur ville, et qui vont vers d'autres pays, d'autres villes, afin de faire la da'wah, ça, c'est pas légiféré pour eux. Ils doivent faire des voyages pour apprendre l'ilm, et non pas pour faire da'wah. Mais rien ne t'empêche de propager ce que tu as appris avec science, ne serait-ce qu'un seul verset. Et c'est ça le sens juste de ce hadith. Balliru anni walau aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Rien ne t'empêche de faire la da'wah à tes parents avec science. Et je dis ça toujours à mes frères qui me demandent conseil à ce sujet. Comment faire la da'wah à mes parents, ce que j'avais déjà entendu d'un cheikh. Commence par demander la science avant de faire da'wah à tes parents. Car tu risques de briser leur cœur avec ton ignorance et ça sera un obstacle entre toi et un mur entre toi et eux jusqu'à leur mort. Et tu le regretteras là où le regret ne te sera d'aucune utilité. C'est pour ça, da'wah, c'est avec science. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. J'appelle à Allah avec clairvoyance, c'est-à-dire avec science. Et la basira pour le cœur, c'est comme la vue pour les yeux. Donc avant de faire da'wah, commence déjà par apprendre. Et au début, tu peux faire da'wah en donnant des livres. Et là aussi, il faut une science. On ne donne pas n'importe quel livre à n'importe quelle personne. Un débutant, on lui choisit le livre adéquat et adapté, et ainsi de suite. En résumé, tu as besoin de la science dans toute ta vie, depuis que tu te réveilles jusqu'à ce que tu te couches, et même au moment où tu te couches, tu as besoin de science. Et la science, elle te sera bénéfique. Ta science, elle te sera bénéfique même pendant tes rêves et même pendant ton sommeil. Combien on a entendu des gens, pendant leurs rêves, ils sont attaqués par des shayatines ou des choses comme ça, et Allah leur permet de réciter Ayat Kursi ou des sourates du Coran. Combien de personnes, dans son rêve, ils révisent le Coran. Ça, c'est pas des choses que j'ai inventées, que j'ai connues chez des gens que je connais. Donc la science, elle t'est bénéfique dans toute ta vie. Et bien là, c'est la plus grande cause pour rester ferme sur cette religion. Et comme je conseille souvent à mes frères, quand tu veux faire un projet de hijra, pense à la science. Ne pense pas uniquement au rizq. Je vais aller à tel endroit parce que là, il y a des chances de trouver du travail, de gagner ma vie et de subvenir à mes besoins. Pense à l'ilm d'abord. Je vais dans cet endroit pour apprendre la langue arabe. Je vais dans cet endroit pour apprendre ma religion. Et c'est une hijra également. Mais une hijra pour la science et pour le hijra également. Car dans ta hijra, hijra c'est une des plus grandes adorations dans l'islam. Et qui dit c'est une des plus grandes adorations et des plus importantes adorations dans l'islam, n'imagine pas que tu vas faire le hijra et que tu vas trouver des tapis rouges déroulés comme ils disent et on va t'accueillir avec des bouquets de fleurs. Et non, il y a de fortes chances que tu sois très éprouvé dans ta hijra pour montrer ta véracité, pour montrer ta sincérité. Et après, Allah, il te donne les facilités. Et ça, c'est dans toute chose. Ils ont dit à l'imam Shafi'i, qu'est-ce qui est meilleur? Al-ibtila'u ou al-tamkin? Que tu sois éprouvé ou quand on te donne le pouvoir sur terre? Et il faisait allusion à l'histoire de Yusuf alayhi salam. Il a dit, rahimahullah, et est-ce que c'est possible d'arriver à ce pouvoir sans être éprouvé? Ils ont oublié la première partie de l'histoire de Yusuf alayhi salam. comment il a été éprouvé jusqu'à arriver à ce grand pouvoir qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné sur l'Égypte, sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand tu veux faire le hijra, pense à l'ilm, à aller dans un endroit où tu vas apprendre, tu vas faire le hijra, mais également tu vas apprendre ta religion. Ainsi, cette science, bi'idhnillah, te sera parmi les plus grandes causes qui te permettront de rester ferme dans cette hijra. Et c'est pour ça, t'entends, qu'il y a des gens qui font le hijra et qui faiblissent et qui retournent dans les pays de kufr. Wallah al-musta'an, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve tous. Et quand tu décides à faire une hijra, déjà, faut avoir l'intention que ce soit, yani, une hijra définitive et pas un test. On teste pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, si t'arrive quelque chose, t'es dans une nécessité, t'es amené à quelque chose, c'est différent. Mais n'est pas une mauvaise intention dès le départ. Et Shaitan, quand il n'arrive pas à t'empêcher de faire les hijra, il va essayer de te faire tomber dans une mauvaise intention, comme celle que je viens de citer. Et quand tu veux faire les hijra, c'est un grand projet. C'est un projet de vie. Pourquoi tu le fais tout seul, comme si tu es la première personne à faire les hijra sur terre? Pourquoi tu profites pas des expériences de ceux qui t'ont précédé et tu leur demandes conseil? Pourquoi tu vas tomber dans les mêmes erreurs que eux, il y a 20 ans, il y a 30 ans? Faut profiter de tes frères et de leurs expériences. Naam, faut garder ces projets discrets, mais ça t'empêche pas de demander conseil à des personnes, yani, qui se comptent sur les bouts des doigts, qui vont te conseiller et qui vont t'aider et t'orienter dans le bon sens, et qui vont aimer le bien pour toi, qui vont pas te jalouser. Ensuite, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, poursuit en disant que la même chose s'est produite, c'est-à-dire cette lumière qu'Allah a donnée à Tufayl ibn Amr, ça a été donné à Usayd ibn al-Hudayr, radiyallahu anhu, et Abbad ibn Bishr. Les deux, ce sont des Ansari. Ils sont sortis de chez le prophète, alayhi salam, dans une nuit, il faisait noir. Et Allah, azza wa jalla, leur a donné cette lumière pour éclairer leur chemin. Ceci est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Également, le Nabi, alayhi salam, a fait dua sur les sept qui ont mis les entrailles de chameau sur son dos pendant qu'il était prosterné devant le Kaaba, sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait dua contre eux, et les tripes et les entrailles du chameau, et le Nabi alayhi wa sallam a fait dua contre eux. Ils étaient tous tués dans la bataille de Badr, les sept. Ça, c'est rapporté dans les deux authentiques. Et les sept sont Abu Jahl, et Utba ibn Rabi'a, et Shayb ibn Rabi'a, deux frères, et le Walid ibn Utba, le fils d'un des deux, et Umayy ibn Khalaf, et Uqba ibn Abi Mu'ayt, et le septième, yani, il n'a pas été cité dans cette riwaya, il a été oublié par le rapporteur. En tout cas, les sept ont été tués dans la bataille de Badr, et ça c'est rapporté dans les deux authentiques. Leur nom, comme je vous ai cité, le septième a été oublié par le rapporteur. Et il a fait dua également contre le fils de Abu Lahab, son cousin. Abu Lahab, c'est son oncle. Donc son cousin, qui lui faisait beaucoup de mal, il a fait dua contre lui, afin qu'Allah Azza wa Jalla envoie sur lui un de ces animaux féroces. Et Allah Azza wa Jalla a envoyé sur lui un lion dans un voyage commercial avec son père. Vers Sham, et son père, depuis que le Nabi alayhi salam a fait dua contre son fils, yani Abu Lahab, depuis ce jour-là, il avait très très peur pour son fils. Il savait que l'invocation du prophète alayhi salam allait le toucher. Et justement, dans ce voyage, ils sont arrivés à un endroit dans lequel il y avait beaucoup de lions, et Abu Lahab a dit à ses accompagnateurs, dans ce voyage commercial, il leur a dit, j'ai peur pour mon fils. Formez un cercle, et ils allaient passer la nuit dans cet endroit. Il leur a dit, fermez un cercle, et laissez mon fils au milieu. Et ils ont fait ça, ils l'ont protégé en plus avec leurs affaires, leurs bagages qu'ils avaient emmenés avec eux, et malgré ça, pendant qu'il dormait, un lion est venu jusqu'à ce qu'il s'est approché de lui et il l'a choisi parmi tous les autres et il a pris sa tête dans sa bouche et il l'a tué de cette manière. Et Nabi alayhi salam également a fait dua contre Suraq ibn Malik. Si vous vous rappelez, pendant le Hijra, c'est l'homme qui a su que la direction qui a été prise par le prophète ainsi que Abu Bakr, il les a suivis, en espérant les attraper et profiter de ces 200 chamelles qui ont été proposées par Quraysh. Et Nabi Aïssa a fait dua contre lui, au point où son cheval, ses pieds, sont entrés dans le sable, se sont noyés dans le sable. Et après, il a demandé au prophète, alayhi sallam, d'invoquer Allah afin qu'il arrive à sortir son cheval et qu'il n'allait pas leur faire du mal. Effectivement, le Nabi, alayhi sallam, a fait dua, il a été libéré du sable. Ça, c'est rapporté dans les deux authentiques également. Et le jour de Badr, dans la grande bataille de Badr, Nabi Isa Salam avait pris une poignée de petits cailloux de terre, selon l'explication des savants, et il l'a jeté sur les visages de l'armée des Koufars, et ça les a touchés tous. C'est arrivé jusqu'à leurs yeux. Et ça, on l'a vu également. Et il a fait de même le jour de la bataille de Hunayn. Ça également, on l'a vu. Le dernier est rapporté dans l'authentique de l'imam muslim. Et le jour de Badr, il avait donné à Ukasha ibn Muhsin. Ukasha ibn Muhsin, radiallahu anhu, c'est un des 70 000 qui iront au paradis sans jugement ni châtiment. Ce jour-là, Nabi Isa Salam lui a donné, dans la bataille de Badr, il y a des compagnons qui n'avaient pas d'armes. Il lui a donné un tronc d'arbre. Et c'est devenu dans sa main plus aiguisé que l'épée. Ça, c'est faible. Ce hadith est faible. Mais c'est pas parce que c'est faible que ça ne peut pas être vrai. Parce que c'est rapporté dans beaucoup de livres de Sira, mais du point de vue du hadith, il est faible. Et il a informé son oncle Abbas, quand il a été pris en otage dans la bataille de Badr, il faisait partie des prisonniers de guerre dans la bataille de Badr. Nabi Isa Salam l'a informé pendant qu'il était prisonnier, qu'il avait caché lui et son épouse Ummul Fadl, radiyallahu anha, les deux sont entrés dans l'islam, qu'ils avaient caché sous la porte de leur maison de l'argent. Et l'Abbas a reconnu. Ça, c'est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad, avec une bonne chaîne de transmission. Il a informé également Umayr ibn Wahb. Cette histoire, on l'a vue. Umayr ibn Wahb, c'est celui qui était avec Safwan Umayya pendant qu'il buvait l'alcool. Et après la défaite des Koufars dans la bataille de Badr, et Umayr, il disait, quelle vie après que tous ces hommes, l'élite de Quraysh a été tuée. Cette histoire, on l'a déjà vue. Nabi Isa Salam, il est venu après un accord avec Safwan ibn Umayya pour tuer Nabi Isa Salam. Et Nabi Isa Salam l'a informé de la raison pour laquelle il est venu et de ce qui s'est déroulé entre lui et Safwan ibn Umayya. Il a cru en lui tout de suite. Il a dit, il ne peut informer de ça qu'un prophète, parce que j'étais seul avec Safwan ibn Umayya. Ça, c'est aussi Hassan. Et dans la bataille de Uhud, Qatad ibn Nu'man al-Zafri, radiyallahu anhu, il avait pris un coup au point où son œil est sorti de l'orbite, de son orbite. Et est-ce que, dans une version, elle est tombée, elle est sortie au point de tomber sur sa joue. C'est-à-dire qu'elle était restée attachée à l'œil. Et dans une autre version, elle est sortie complètement au point où il l'avait dans la main. Au point où il l'avait dans la main. Et Nabi alayhi salam l'a remise en place. Et c'est devenu le meilleur de ses yeux. Et les gens n'arrivaient même pas à faire la distinction entre l'œil qui est sorti de l'autre. Dans la bataille de l'Khandaq, et ça aussi on l'a vu, dans la bataille de l'Khandaq, Nabi alayhi salam, quand il a été invité par Jabir, on a vu que dans la bataille de l'Khandaq, les tranchées, ou la bataille des coalisés, les compagnons, radiyallahu anhum, avaient très très peu de provisions. Ils étaient assiégés par le kuffar. Ils ne pouvaient pas quitter le Madina. Et le Madina, déjà, les gens, ils souffraient de pauvreté. Et en plus, ils étaient assiégés pendant toute cette période où ils avaient très très peu de provisions. Et ils devaient travailler un travail dur pour finir les tranchées. Donc ce jour-là, dans cette bataille, Jabir radiyallahu anhu a invité le Nabi alayhi salam sallam, tellement il a vu que le Nabi alayhi salam sallam, il avait très faim, au point où l'un des compagnons, où le Nabi alayhi salam sallam également s'est rapporté de lui, qui prenait un caillou, une grosse pierre, il la mettait sur le ventre, qui prenait une grosse pierre, un rocher, qu'il mettait sur le ventre, il l'attachait, pour serrer son ventre, pour ne plus avoir mal à l'estomac. Subhanallah. Ça nous permet de voir le na'im dans lequel on est baigné. Si ça se trouve, l'un d'entre nous, il n'a jamais eu faim jusqu'à avoir ce sentiment. C'est pour ça qu'on a besoin de lire des livres et de voir comment les savants ils le décrivent. Allah musta'an. Donc le Nabi alayhi salatu wa salam, ce jour-là, il a été invité par Jabir radiyallahu anhu. Et sa femme lui avait précisé, elle avait averti Jabir radiyallahu anhu de ne pas ramener beaucoup de monde. Et elle lui a cité un petit nombre. Et quand Jabir a informé le Nabi alayhi salatu wa salam, le Nabi alayhi salatu wa salam a invité tous ceux qui travaillaient dans le chantier de ces tranchées-là. Et ils sont venus, leur nombre était de 1000. Et la femme de Jabir radiyallahu anha avait préparé une chevrette qu'ils avaient. Ils l'ont tuée. Une chevrette, qu'est-ce que ça va donner en viande? Une chevrette, c'est comme ce que je vous ai expliqué précédemment. C'est le petit du bouc ou du mouton qui vient de naître il n'y a pas longtemps. Donc, combien il y a de viande? Et ça, en général, ils disent ça, c'est la nourriture d'une personne ou deux personnes. 1 kilo à 2 maximum de viande. Même pas. Elle a préparé ça avec un sac d'orge qu'elle avait à la maison. Et elle a invité le Nabi alayhi salam. Le Nabi alayhi salam a ramené 1000 personnes avec lui. Et ils ont tous mangé. Et le Nabi alayhi salam leur avait dit de garder le récipient dans lequel ils ont préparé ce plat, de le garder couvert et à chaque fois de servir dans une assiette. Et il rentrait par afouage. Il rentrait par groupe et à chaque fois il mangeait et il partait jusqu'à ce que les 1000 ont mangé de ce plat qui a été préparé. Également, toujours dans cette bataille de Khandaq, une fois, on lui a ramené une petite quantité de dattes. Et celle qu'il a ramenée, c'est Bintu Bashir, radiallahu anha. Celle qui a ramené ça, c'est une sahabiya qui s'appelle Bintu Bashir ibn Sa'd. C'est la sœur de Nu'man ibn Bashir, le très grand compagnon, très connu. Celui qui rapporte le halal au bayin ou le haram au bayin. Donc, c'est sa sœur, elle a ramené une petite quantité de dattes. Et Nabi alayhi salam a mangé ça avec un grand nombre de personnes, rapporté par Ibn Ishaq. Et une autre fois, il a nourri 80 personnes avec une quantité de nourriture que Nabi alayhi salam pouvait couvrir avec sa main pour voir comment c'est une petite quantité. Ils en ont mangé à 80 de cette quantité. Ça, c'est rapporté dans les deux authentiques. Et il a fait de même également le jour où il a épousé Zainab bint Jahsh. Zainab bint Jahsh, la mère des croyants, qui est la cousine du prophète alayhi sallam, la fille de sa tante paternelle, Umayma. Radiyallahu anha. Nabi alayhi sallam, quand il l'a épousée après la bataille de Bani Qurayda, si vous vous rappelez, on est dans l'année 5 de l'Hégire, dans le mois de Dhul-Qa'da. Nabi alayhi sallam l'a épousé, et quand ils ont fait, quand ils ont célébré le mariage, ils ont préparé une petite quantité, et avec le baraka de Nabi alayhi sallam, tout le monde a pu manger ce jour-là. Zainab radiallahu anha, qui est décédée l'année 20 de l'Hégire. Et c'est la première de ses épouses qui est décédée après lui. Comme le Nabi alayhi sallam avait informé pendant son vivant. Sallallahu alayhi wa sallam. Et Zainab a participé avec le Nabi alayhi sallam dans la bataille de Khaybar, et dans la bataille de Ta'if. Et elle a fait avec lui son pèlerinage d'adieu, comme toutes ses autres épouses. Radiallahu anhum. Également, parmi les points que l'imam Ibn Kathir a cités, c'est que le Nabi alayhi sallam a donné à Abu Huraira un petit sac, yani mizwad. En arabe on dit mizwad, c'est un petit sac, ça peut être en cuir ou autre, dans lequel le voyageur met ses provisions, sa nourriture pour son voyage. Donc c'est yani quelque chose de assez petit. Il lui a donné un mizwad duquel il a mangé pendant son vivant jusqu'à sa mort, radiallahu anhu. Et non seulement il mangeait lui seul de cette petite quantité que Nabi alayhi sallam lui a donnée, mais à chaque fois qu'il y avait une bataille, une armée qui sort dans le sentier d'Allah, il équipait, il donnait aux gens de quoi manger de cette petite quantité que Nabi alayhi sallam lui avait donnée. Et il est resté beaucoup de cette quantité est restée jusqu'à le jour Uthman radiallahu anhu, jusqu'à la période dans laquelle Uthman radiallahu anhu a été tué. C'est-à-dire jusqu'au khilafa de Uthman radiallahu anhu. Et beaucoup de récits qui sont tous rapportés authentiquement de cette catégorie. Beaucoup de récits, l'imam Ibn Kathir s'est limité à ce qui a été cité. Et il en a cité beaucoup plus dans son livre, Al-Bidayah wa Nihaya, comme je l'ai précisé. Une année également parmi les points qu'il a cité, rahimahullah, une année pendant laquelle il y a eu une grande sécheresse. Ils sont venus demander au prophète, alayhi salam, d'invoquer Allah pour faire tomber la pluie. Et effectivement, il a invoqué Allah et la pluie n'a cessé de tomber jusqu'à ce qu'ils sont venus une autre fois pour lui demander à Allah que la pluie s'arrête. Ça s'est rapporté dans les deux authentiques. Il a invoqué Allah contre Quraysh. ils étaient touchés par une dureté, des difficultés dans leur vie indescriptibles, il dit l'imam al-Kathir. Jusqu'à ce qu'ils sont venus le supplier, l'implorer. Et il a eu pitié d'eux, il a invoqué Allah, et Allah leur a donné un soulagement. Il les a soulagés de cette difficulté qu'ils traversaient. Et un jour, ils lui ont ramené un récipient dans lequel il y avait de l'eau pour faire ses ablutions. Et d'autres personnes sont venues pour faire leurs ablutions également. Et quand il a mis sa main dans le récipient, la main ne rentrait pas. Ça, c'est pour décrire la taille du récipient. C'est-à-dire, c'est un petit récipient. Il a invoqué Allah et l'eau, il a placé sa main dans au-dessus du récipient, en contact avec l'eau, et l'eau, elle sortait de ses doigts, d'entre ses doigts, comme des fontaines. Elle sortait, entre ses doigts, comme des fontaines. Des fontaines, ça c'est parmi les miracles qu'Allah a permis à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce récit est rapporté dans les deux authentiques. Il a fait de même le jour de la bataille de l'Hudaybiyah. Le pacte de l'Hudaybiyah, il a fait de même avec de l'eau et ils étaient 1400 personnes. Ils étaient 1400 personnes. Et Jabir radiallahu anhu a dit, si on était 100 000, ça nous aurait suffi. Si on était, même si on serait 100 000, ça nous aurait suffi. C'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, cette histoire. Il a fait également ainsi dans un de ses voyages, ils lui ont ramené un récipient dans lequel il y avait une seule goutte d'eau. Une seule goutte d'eau. Un récipient en cuir. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé de le ramener et de verser dans un autre récipient cette goutte. Le rapporteur, il dit, j'ai eu peur si je la verse, que ça soit absorbé par le cuir, et que ça n'arrive pas dans l'autre récipient. Et ensuite, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mis sa main dans le grand récipient dans lequel cette goutte a été versée, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, et l'eau est sortie d'entre ses doigts. Et ils ont bu, ils ont fait leurs ablutions, ça c'est rapporté dans l'authentique de l'imam muslim. Et le jour de l'Hudaybiyah également, quand ils ont trouvé un puits dans lequel il n'y avait pas d'eau, Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a donné une de ces flèches qu'ils ont placées dans cette puits et l'eau a débordé. Et ça leur a suffi. Il a fait de même le jour de Satihatayn. Ses compagnons ont pu boire et faire leurs ablutions et même certains d'entre eux ont fait le lavage, le grand lavage, al-ghusl, et ça n'a pas diminué la quantité d'eau qu'il y avait dans ces deux récipients. Et ces deux récipients, ce sont deux récipients qu'ils prenaient avec eux dans leur voyage. Et une femme qui a vu ça, à qui appartenaient les deux récipients, quand elle a vu ça, elle est partie informer sa tribu de ce qu'elle a vu. Elle a vu, j'ai vu la plus grande sorcellerie que j'ai jamais vue dans ma vie. Ou bien cet homme, c'est un prophète. Elle est entrée dans l'islam et tout son peuple, toute sa tribu sont entrés dans l'islam. Ça, c'est rapporté dans les deux authentiques. Et beaucoup de récits qui sont rapportés authentiquement de ce genre. Le dernier point qu'on va voir pour aujourd'hui ou peut-être qu'on va s'arrêter ici, comme ça on fera les deux derniers points qui restent des preuves de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on les fera dans le cours prochain. Les deux points qui restent, c'est tous les événements qui font partie de l'avenir et des choses futures dont il a informé et qui se sont passées exactement comme il a dit. Alayhi salatu wa salam, l'imam ibn Kathir a cité quelques exemples, il a terminé ce chapitre avec tout ce qui a été rapporté dans les autres révélations, les livres des chrétiens et des juifs, dans lesquels ils informent de la véracité de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va citer quelques exemples également de ce genre-là. Et ensuite, il va commencer à parler de ses enfants et de ses épouses et ainsi de suite. Voilà pour aujourd'hui. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable, de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables et de nous raffermir sur le tawhid pur et la sunna authentique de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à le rencontrer. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.